Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Alexis. Alors, j'aimerais savoir, ma première question, c'est quelle est la relation de Marcel Jean avec le Festival d'Annecy avant la nomination de l'année dernière? C'était quoi pour toi le Festival d'Annecy? C'est une relation qui est assez ancienne, hein, parce que mes premières visites à Annecy remontent à la fin de l'ère Jean-Luc Xibéras, donc dans les années 90. Alors que j'occupais le poste de conservateur du cinéma d'animation à la Cinémathèque québécoise, en succédant à Louise Baudet, qui était une sorte de personnage légendaire un peu de l'histoire de l'animation, et précédant Marco Deblois, qui m'a remplacé par la suite là-bas. Donc je suis venu ici à Annecy d'abord en tant que conservateur à la Cinémathèque et ensuite en tant que producteur à l'Office national du film du Canada, où j'ai dirigé le studio d'animation du programme français pendant 7 ans. Donc à ce moment-là, Annecy, quand j'étais à la Cinémathèque, c'était un endroit pour préparer la programmation de l'année, donc pour voir les films. On se souviendra que c'était avant le web, c'était donc à une période où il était difficile de voir les films d'animation, c'était une période très largement dominée par le court-métrage. L'industrie du long métrage n'était pas ce qu'elle est maintenant. Donc, c'était voir les films, monter des programmes. Donc, d'un côté, des best-of Annecy qu'on présentait à tous les mois de septembre, aux 2 ans à la Cinémathèque, mais aussi, disons, faire du dépistage, trouver des réalisateurs à qui on pourrait consacrer des rétrospectives, des choses comme ça. Je me souviens avoir organisé l'une des premières rétrospectives Folimage qu'il y a dû y avoir en dehors de la France, donc à la suite d'une visite à Annecy, justement. Alors, quand j'étais producteur à l'ONF, Annecy, c'était vraiment là le carrefour, c'est-à-dire à la fois l'endroit pour montrer ses films, montrer les plus récentes productions, idéalement remporter des prix, et aussi donc rencontrer les partenaires. Rencontrer les partenaires en copro, rencontrer les chaînes de télé, donc faire des affaires, de sorte que c'était un lieu extrêmement efficace pour moi, parce qu'en une semaine, je pouvais rencontrer 25 partenaires ou partenaires potentiels de 4 continents, donc c'est économiquement, en termes de temps, et en termes d'investissement financier strict, c'était quelque chose de très payant d'être à Annecy et de faire des affaires à Annecy. Et toujours l'occasion de voir des films parce que je ne suis pas venu, moi, à la production par les affaires, mais je suis venu à la production par la cinéphilie. À l'origine, j'étais un critique de cinéma, de prise de vue réelle, et de là, donc, mon intérêt pour l'animation s'est développé, et donc ce qui m'a toujours passionné, c'est de voir des films, c'est d'en connaître de plus en plus, et ça, Annecy était pour moi l'occasion de me gaver, donc annuellement. Donc, en devenant directeur artistique, tu gardes les deux casquettes, l'artistique et aussi l'économique. Tu as déjà ça en tête, en fait, de garder ça qui est devenu Annecy aujourd'hui, de toute façon. Oui, c'est sûr que l'ensemble de mes expériences font en sorte que je peux voir le festival à partir de plusieurs points de vue. Autant d'un point de vue de journaliste, hein, parce que après que j'ai quitté l'ONF en 2005, je suis revenu à Annecy à chaque année, parfois en tant que programmateur et parfois tout simplement en tant que journaliste. Je tenais un blog pour la revue 24 images, donc ce qui fait que pour moi, le MIFA, le festival, je dirais, les préoccupations de la presse, comme celles des producteurs et des créateurs, je suis en mesure de les envisager, de les concevoir de manière assez concrète. Est-ce que c'est dur? Est-ce que quand on hésite de prendre la tête d'un festival qui est aujourd'hui connu comme le festival numéro 1, le plus important du monde de l'animation ou c'est un challenge qu'on accepte avec, au contraire, un grand plaisir et même une grande envie? Une grande envie, un grand plaisir. Quand Patrick Évenot a évoqué la possibilité, disons, que je dépose un dossier de candidature, j'ai pas hésité un instant. Il a fallu peut-être 10 secondes que je lui dise oui, je vais y aller. Bon, ensuite, bien entendu, on pose des questions, on s'assure d'avoir des garanties. Va davantage dans la négociation concrète, mais le challenge, lui, était pour moi tout à fait intéressant. Je dis souvent que le Festival d'Annecy, c'est un merveilleux train électrique pour quelqu'un qui fait de la programmation, dans la mesure où il y a le nombre de salles, il y a tout l'éclairage qui est sur le festival, mais il y a le public aussi, qui est une notion extrêmement importante. Moi, j'ai fait de la programmation comme programmateur invité pour, je sais pas, une quinzaine de festivals à travers le monde. Quand tu bosses à un programme et que tu débarques dans un festival et qu'il y a 18 personnes, dont 9 que tu connais, qui sont venues voir le programme, c'est toujours un peu décevant. Et à Annecy, tous les programmes que j'ai faits ont toujours fait salle comble, donc c'était des salles de 3, 4, 500, 600 personnes. Donc c'est quelque chose de très stimulant. Bon, le public d'Annecy, on le dit, on le redit, il est énergique, il peut être un peu potache, il a toutes sortes de caractéristiques, mais c'est un vrai public actif qui est passionné. Et qui remplit les salles de rétrospective plus pointues comme il remplit les salles de la compétition officielle. Je voyais l'an dernier une projection de la liste de Lou Bunin que Jean-Baptiste Garnereau nous avait sorti des archives du film. Bon, on avait quoi? Une salle pleine aux trois quarts pour voir ce film tout à fait étonnant, une salle concentrée, impeccable. Bon, c'est ça, Annecy aussi. Annecy, c'est aussi, tu parlais de train électrique, je sais faire une image qui est, je ne suis pas sûr qu'elle soit intéressante, mais en tout cas, on a l'impression qu'il peut y avoir un wagon qui marche encore à la vapeur, puis un TGV, puis en fait différent. Ça ne doit pas être évident de situer dans un côté voilà, où il faut ménager aujourd'hui un. Le Alice, en effet, le Benin qui vient de longtemps, et puis l'âge de glace Oui, 5. ben, c'est un équilibre. Annecy ne peut exister dans ses proportions actuelles qu'en maintenant ses équilibres. C'est-à-dire que si on arrive à avoir ses salles, à avoir ses écrans, à avoir ses moyens, c'est notamment parce qu'il y a un marché qui est fort et c'est notamment parce que les grandes sociétés sont là et il y a suffisamment d'espace ici pour faire de la place à tout le monde. J'épluche régulièrement les anciens programmes, ceux des années 80, ceux des années 70, ceux des années 90. Il n'y a pas moins de courts-métrages, pardon, qui sont projetés à Annecy aujourd'hui que dans les festivals des années 70 ou 80. Il y en a plus si on compte que le festival s'est annualisé. Alors donc, le long métrage n'a pas phagocyté le festival, n'a pas fait disparaître le court métrage qui reste un peu la noblesse de l'animation, je dirais, hein. Oui, mais ça pue la même place. La séance de 19h ou 21h, qui était par exemple la séance du court-métrage, était remplacée. Par exemple, dans le catalogue, Oui, on commence par le long-métrage et puis par les courts. il y a, oui, bon, là on est dans le symbolique davantage que dans les effets réels. C'est-à-dire que non, la séance de 21 h n'existe plus comme elle existait avant. Les grandes séances de court-métrage sont davantage en après-midi dans la grande salle. Est-ce que c'est une perte réelle? Est-ce que c'est une perte importante? Pour moi, oui, c'est un changement, mais je ne considère pas que mon expérience cinéphilique a été affectée par ça. Comme vous, Alexis, j'ai remarqué l'année où on a fait passer les longs métrages dans le catalogue devant les courts. Comme vous, je me suis dit, tiens, ça témoigne d'un changement. Mais ça témoigne d'un changement qui n'est pas, qu'on ne peut circonscrire uniquement dans le festival. Ça témoigne d'un changement qui affecte l'ensemble des activités liées au cinéma d'animation. Quand Adam Benjamin Elliott fait un long métrage, Mary and Max, quand Panique au village devient un long métrage, quand on voit Benjamin Renner qui sort de la poudrière après avoir fait un court métrage formidable et qui passe aux commandes d'Ernest et Célestine, quand on voit donc Bill Plimpton qui est quasi légende du court métrage d'animation qui réaliser quelques longs, donc le fait que de plus en plus de cinéastes qui se consacraient au court, donc passent au long. Je vois les amis Gilles Cuvelier et Franck Dion là qui ont un projet de long. Alors, ça témoigne aussi de cela, c'est-à-dire d'une mutation de la production qui fait en sorte que non seulement le long métrage est l'affaire de grands studios et de la grande industrie, mais que le long métrage devient aussi l'affaire de cinéastes qui utilisent parfois les techniques traditionnelles, parfois non, mais qui évoluent dans un environnement économique qui est assez proche, qui est la continuation en fait du long métrage, du court métrage, pardon. Je regarde aujourd'hui. J'étais à Forum Cartoon au début du mois, à Cartoon Movie, pardon, au début du mois. Il y avait Nicolas Schmerkin qui était là avec son projet, avec un projet de long, donc autour de minuit qui commence à lorgner vers le long. Je sais que Ron Dienz, Sacrebleu, a aussi maintenant projet de long. Donc, il y a un tas de producteurs. Jean-Pierre Lemoulin en Bretagne, donc il y a un projet avec la Guyonie. Donc on voit un tas de producteurs qui ont animé le paysage du court-métrage au cours des dernières années, qui sont ou veulent être actifs dans le domaine du long-métrage. Je vais donner un dernier exemple, c'est Florence Miail. De ce côté-là, moi, je considère qu'on est aussi le reflet d'une évolution qui est liée à une évolution économique, mais qui est liée à une évolution technique. Ce sont les développements technologiques aussi qui permettent d'envisager des longs métrages avec certaines techniques ou avec des moyens beaucoup plus restreints que ce qu'on connaissait par le passé. Alors avant de revenir à ce qu'on peut peut-être attendre dans l'édition de cette année, c'est quand la découverte de l'animation pour Marcel Jean? C'est quoi le premier film, mais pas le premier film qu'on voit quand on est enfant, le Disney, c'est quoi le premier où on se dit, ah, on aime la prise de vue réelle, mais là il y a ce film-là et on se dit, ok, là il y a un art derrière. Oui, le déclic, Ouais. vraiment. En fait, je l'ai déjà exprimé ça en avant-propos de mon livre consacré à Pierre Hébert. C'est quand j'ai vu Souvenirs de guerre de Pierre Hébert, et ça remonte à 1982. Donc, je suis à l'époque étudiant à l'université, et j'ai vu déjà avant ça plusieurs films de McLaren. Films de cinéastes classiques de l'ONF, Jacques Douin, Coedemann et tout. Mais je suis, comme cinéphile, plutôt godardien. Je m'apprête à commencer une thèse sur Marguerite Duras. Donc on voit, c'est des choses un peu sérieuses et tout, passionnées de Brecht, Resnais. Et là, je vois Souvenirs de guerre de Pierre Hébert, et quand je vois ce film-là, je me dis, dans les jours qui suivent, Ah, peut-être que je pourrais écrire sur l'animation. Peut-être que je pourrais creuser davantage l'animation. Donc, c'est un film qui, pour moi, a été marquant. Et grosso modo, à la même époque, c'est Crack de Frédéric Bach que je vois. Et je vais par la suite découvrir Jan Zwankmajer. Peu de temps après, donc, les possibilités du dialogue de Zwankmajer. Et là, ça devient pour moi très, très sérieux. Et dans les années 80, donc, c'est ça qui va m'amener à creuser davantage. Et là, à travailler d'abord à me faire une culture exhaustive de l'animation canadienne, c'est-à-dire avoir tout ce qui s'est fait de ce côté-là, puis à élargir ensuite progressivement. Il faut dire qu'au Canada, on a été gâtés parce que, pour l'anecdote, il y a un ancien distributeur qui est devenu producteur par la suite, qui s'appelle Roch Demers, qui, alors qu'il était jeune, a décidé de faire un grand voyage qui l'a amené à aller voyager en Europe de l'Est à une époque où à peu près personne ne voyageait en Europe de l'Est. Et quand il est débarqué à Prague, il est devenu très copain avec Břetislav Pojar. Et là, on parle des années 50, et Roch Demers est revenu de ce voyage, a créé une compagnie de distribution, une société de distribution qui s'appelait Faroun Film, et il s'est mis à distribuer des courts-métrages d'Europe de l'Est, dont il a abreuvé la télévision publique au Canada, ce qui fait que quand on était tout petit, on a vu tous ces films tchèques, roumains, polonais, hongrois qui étaient destinés aux enfants. Mais ça, on les voit un peu inconsciemment, comme vous avez évoqué tout à l'heure, hein. Et plus tard, donc, j'ai réalisé la valeur de ce que j'avais vu plus jeune. Et qu'est-ce qui marque quand on se dit je peux enfin écrire sur l'animation? Qu'est-ce qu'on a envie de dire au début? C'est la liberté de ton, c'est le côté graphique, c'est sur quoi on a envie de parler? Ouais, dans mon cas, ça a été un peu différent. J'ai commencé par vouloir lire sur l'animation pour constater qu'il n'y avait pas grand-chose à lire. Et que souvent, ce que je lisais, je trouvais ça très, très anecdotique. Donc, ça se limitait à dire, j'ai fait 6784 dessins, c'est un travail forcené. Et puis, des gens qui disaient, ce sont des joyaux, de petits bijoux, ainsi de suite. Donc, quelque chose d'un peu sirupeux, ce qui s'écrit, je trouvais ce qui s'écrivait sur l'animation, gentillet, et j'avais la nette impression que tout le cinéma d'animation était dans une phase un peu pré-godardienne, là, où on s'émerveillait devant de beaux dessins, devant des mouvements fluides, devant des produits sans aspérité, et au point même d'ignorer ce qui pouvait faire tache dans des films qui étaient très très bien faits techniquement, mais qui étaient audacieux. Je pense à Trinca, par exemple. Ce que j'ai lu sur Trinca au départ, on avait tendance à l'embaumer de manière précoce, là, à faire en sorte qu'en parler comme étant quelqu'un dont l'œuvre était à ce point lisse, à ce point maîtrisée, qu'on pouvait rien en dire sauf l'admirer, s'agenouiller et prier devant. Alors, pour moi, Trinca, il y avait autre chose, il y avait quelque chose d'irrévérencieux, un certain goût pour l'érotisme, et même parfois les blagues un peu salaces. Bon, il y avait chez Trinca, politiquement, dans la main du moins, une forme de révolte assez nette. Donc, bref, ce que je voulais exprimer pour moi, c'était ça. Et attirer l'attention sur des cinéastes d'animation qui s'interrogeaient sur la représentation, sur la question de la représentation. Et ça, Zwankmajer, puis ensuite les frères Coué, sur qui j'ai écrit assez tôt, fin des années 80, début 90. Donc, ces cinéastes-là, pour moi, offraient cette opportunité-là. On a l'impression, j'étais il y a 2-3 jours au FICAM, festival de Meknès, et on avait une table ronde avec Gilles Simon, Ilana Nguyen et Marc Aguès, donc voilà, qui sont journalistes à différents niveaux, critiques, enfin voilà, qui écrivent un petit peu. On parlait justement du langage des lignes, à un moment donné, et le débat s'est fini en disant que finalement, il y avait très peu de choses qui étaient écrites théoriquement, et même aujourd'hui encore, de quand date le langage des lignes ? 95, donc ça fait presque 20 ans qu'il existait, et on a quelques petites choses en histoire, Bendadzi, et je lisais à ce moment-là un bout de critique, où notamment dans cette critique, il y a la personne dit dans lesquels 26 chiens le poursuivent dans les ténèbres de Tel Aviv, ils évoquent au mieux un droupi qui serait l'hébreu, ou alors un petit peu plus haut, le dessin, oui, tout est dessiné dans Valse avec Bachir, mais ce n'est pas davantage un film d'animation, en tout cas pas au sens traditionnel, c'est les cahiers du cinéma qui écrivent ça, donc comment la sortie de Valse avec Bachir. On a l'impression qu'il y a pas grand chose qui a changé. C'est-à-dire que quand on, en effet, on lit le langage, l'édito du langage entre des lignes en disant il n'y a pas grand chose, 20 ans après. Ça reste effectivement une part assez pauvre. Je dirais, en anglais, il y a peut-être un peu plus de choses là, qui sont écrites. Paul Wells a écrit des choses sérieuses. Bon, il y a d'autres auteurs. Jane Pilling fait un travail plus sérieux aussi, mais en français, on s'est beaucoup consacré à la recherche historique. Je dirais, ça a été davantage. Bendadzi, ça a été écrit en italien, mais en français, quelques ouvrages un peu plus pointus, soit sur des auteurs. Je pense au travail formidable que Jean-Pierre Pagliano vient de faire sur Paul Grimaud. Donc, on a travaillé dans ce sens-là davantage que de travailler à une véritable réflexion esthétique. Et je pense que c'est peut-être chez Positif, et je pense à Robert Benayoun qui a quand même écrit, lui, des choses bien, et c'était l'héritage surréaliste qui permettait d'appréhender le cinéma d'animation. Au cahier du cinéma, ça a toujours été un peu problématique, et je pense que c'est un peu l'héritage basinien, ce rapport à la réalité, pour faire court, là, qui paralysait un peu l'écriture et la pensée sur le cinéma d'animation. Est-ce que ça peut changer? Parce que je disais un autre texte d'André Martin, autre grand théoricien, en tout cas qui a beaucoup parlé de l'animation, en 57, et qui dit « Pourquoi votre critique est-elle muette ?» et qui en gros se reprend lui aussi, mais dit que voilà, en animation, en effet, on parle beaucoup plus d'esthétique, on va faire des jolies phrases comme ça, mais on rentre assez peu dans le vif du sujet. Et est-ce qu'aujourd'hui, si on devait faire... on ne peut pas voir dans l'avenir, mais est-ce qu'on peut imaginer que ça change un petit peu? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont commencer à écrire un petit peu sur l'animation? C'est difficile, je ne suis pas futurologue là-dessus, et le cas d'André Martin est effectivement très intéressant, parce qu'on a eu là une immense critique, quand même, personne qui ait vraiment pris le relais, en fait, de la pensée de Martin. Et aujourd'hui, donc, c'est un auteur sur qui il vaut la peine vraiment de revenir. Je sais que Pierre Hébert, au Canada, par exemple, travaille actuellement à des textes sur Martin. C'est astreint à tout relire ce qu'il avait écrit, à la fois sur l'animation et sur l'audiovisuel. Donc, il y a tout un travail à faire, mais on n'est pas dans cette direction-là en animation. Il y a beaucoup d'écoles d'animation en France, d'excellentes écoles d'animation, mais on encourage, j'ai pas l'impression qu'on encourage tant que ça le développement d'une théorie de l'animation. Il y a de l'activité, des gens qui réfléchissent. Je pense à Pascal Vigner, a écrit des textes très bien sur l'animation. Il y a des gens comme vous autour de l'abbaye de Fontevrault, il y a une volonté de réfléchir aussi. Il y a donc des poches, des foyers, mais je dirais les ouvrages théoriques, je ne vois pas comment la situation changerait rapidement. Les aventures éditoriales, disons, ne laissent pas croire que tout à coup, les ouvrages d'animation vont se mettre à sortir en masse. Comment était Marcel Jean enseignant? Il laissait beaucoup d'espace à ses élèves, essayait de leur apporter beaucoup d'histoire de Ouais, il l'animation. faut comprendre la circonstance des cours d'histoire et d'esthétique d'animation à l'Université de Montréal. J'ai eu plusieurs étudiants français, donc il y en a qui peuvent en témoigner. Mais à l'Université de Montréal, ce sont des cours qui se donnent en amphithéâtre à des classes qui, selon les années, ont oscillé, je dirais, entre 100, 110, 120 étudiants et 200, 210. Donc ce sont vraiment des présentations dans de grands espaces et donc la communication de un à un n'est pas vraiment possible là. Donc laisser de la place à les étudiants dans ces contextes-là, c'est pas très favorable. Alors on se retrouvait très souvent face à des présentations. À partir du moment où ce livre, Le langage des lignes, a été écrit, je demandais aux étudiants de le lire, ce qui m'évitait de repasser sur les notions de mouvement ou de corporéité et tout, et là de pouvoir creuser davantage. Donc c'était fait sous forme de conférence avec projection d'extraits à la clé. Finalement, c'est beaucoup comme ça, donc les cours se sont construits historiquement. Alors, si je devais commencer, pour faire un lien, je ne vais pas lire tout, mais dans l'édito, dans l'avant-propos hein, du langage des lignes, j'ai pris plaisir à travailler ces ouvrages, mais ils m'ont donné envie de m'atteler à un projet d'écriture plus personnel. Ils m'ont donné le goût d'explorer un autre genre, le goût de parler du cinéma autrement. C'est ainsi qu'est née cette idée de consacrer ce livre, un livre au cinéma d'animation. Puis un peu plus tard, il y a vraiment ce livre, je l'ai d'abord écrit parce que j'avais envie de le lire, parce que j'avais envie qu'on parle autrement de ce qui fait le cinéma d'animation. Ce livre, je l'ai cherché un peu partout avant de me résoudre à l'écrire. Est-ce qu'on peut imaginer que le festival Nancy, Marcel Jean, va le faire de la même manière qu'il a écrit ce livre? C'est pour faire un festival qu'on n'a pas vu et qu'on n'a pas encore vu? C'est sans doute une ambition. Est-ce que j'aurai les moyens de mes ambitions? C'est-à-dire, et là, en disant cela, je n'interpelle pas que le contexte, c'est-à-dire pas qu'Annecy et l'organisation du festival en tant que tel, mais moi-même, est-ce que je serai à la hauteur de mes ambitions? Ça reste à voir. Mais oui, j'aimerais faire du Festival d'Annecy un festival du 21e du siècle. Donc, un festival qui prenne en compte un paquet de changements. D'une part, la notion de virtualité, le fait que il est possible maintenant pour un événement comme Annecy, d'exister à Annecy, mais d'exister aussi pour ceux qui ne peuvent y être. Et ça fait très certainement partie de mes ambitions. Mais ce n'est pas en 8 mois de travail qu'on arrive à construire quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un projet à plus long terme. Mais moi, l'idée d'un festival d'Annecy en ligne, l'idée d'une expérience Annecy qui puisse se vivre pendant une semaine à partir de Los Angeles ou à partir de Cape Town ou à partir de Tokyo, je l'imagine assez bien et ça me plairait bien. Donc qu'on puisse, par exemple, rêvons, imaginer qu'on s'accrédite pour 30 euros et que le fait d'être accrédité pour 30 euros nous ouvre un monde virtuel dans lequel on peut évoluer pendant une semaine, rencontrer des gens, voir des films. Assister à des débats, des discussions, des rencontres, bref, virtualiser le festival. Donc, non pas prendre l'expérience locale et dire vous allez la vivre sur le web, donc plus besoin de venir, mais offrir une toute autre expérience qui vous permettent de vous dire, cette année, je ne peux pas y être pour telle raison, mais l'an prochain, je vais tout faire pour y être parce que quand même, il se passe des choses là-bas. C'est souvent ce que j'ai regretté dans les festivals. Justement, c'est intéressant, je rebondis là-dessus, puisque j'ai toujours trouvé qu'il y avait des choses passionnantes qui se passaient, qui étaient rarement enregistrées, rarement mises sur le web. Enfin voilà, alors qu'aujourd'hui, on a cette capacité justement d'avoir ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose, au moins Ça, déjà, avant de passer à la oui. virtualité complète? C'est quelque chose pour moi qui est important, qui est crucial. Il faut se donner les moyens de le faire. Ça demande des moyens. Cette année, à Annecy, on fait face à une situation qui est particulière puisque c'est une édition, appelons-la, hors les murs, puisqu'on n'a pas mon lieu. Donc, on a dû développer nos espaces et tout, ce qui nous a fait dépenser beaucoup d'argent, mais beaucoup d'énergie, de temps. De temps de conceptualisation donc qui a été passé là-dessus. Une fois donc l'édition 2013 tenue, on sera en mesure là je dirais de mieux répartir notre énergie pour mettre de l'avant divers projets. Mais effectivement, je pense qu'il faut saisir ce qui se passe dans le festival ou une bonne partie de ce qui se passe dans le festival et le transmettre. Je signale d'ailleurs que les petits déjeuners du cours ou les midis du long l'an dernier ont été enregistrés et ont été mis sur la chaîne YouTube du festival. Donc, il est possible de s'y référer. Ce ne sont... Je n'avais pas vu que les midis du cours. Je pensais que les petits déjeuners étaient en Oui, ligne, mais je n'avais pas vu que les midis. les midis du long. Du long, pardon, Oui, ouais. les C'était midis du aussi. long le sont D'accord, aussi. ok. Ouais. Alors, donc, ça, c'est déjà un premier pas. Un premier pas important. Deuxième chose, c'est qu'un festival ne peut plus aujourd'hui se contenter de projeter des films en se disant, voilà, les gens vont venir pour voir des films. Les films, on peut en voir partout, les films, il y en a partout. Premièrement, les festivals, il y en a partout. Les festivals d'animation, il y en a. On ne peut même pas les compter à travers le monde, c'est des centaines. Alors, les films, on les a vus ailleurs. Parfois, ils sont sur le web. Parfois, ils sont plus sur le web, mais ils y ont été pendant une période donnée. Donc, bref. On fait face à toutes ces réalités-là. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant de voir des films dans un festival? Premièrement, de les voir programmés, c'est-à-dire dans un ordre, dans un contexte, dans une organisation qui donne un sens supplémentaire au film ou qui révèle autre chose. Deuxièmement, de les accompagner. Accompagné d'une rencontre avec les créateurs, accompagné de gens qui réfléchissent et qui sont en mesure donc de débattre des œuvres ou des évolutions que les œuvres impliquent. Et un autre aspect donc, qui justifie l'existence des festivals, c'est le caractère événementiel, c'est-à-dire ce qui se passe là et ne va se passer qu'une fois et ne repassera plus. Donc, voir un film dans un contexte X, avoir des musiciens sur place, avoir des gens qui improvisent, etc. Donc, on a de plus en plus ce genre d'activité, ce genre d'action. Je pense qu'on n'a pas le choix que de développer ça. Bon, il y a combien d'artistes maintenant qui travaillent avec l'animation de manière live. Il y en a des tas. Et donc, c'est l'expérience de la création de ces artistes-là, c'est dans les festivals qu'on est en mesure de l'approcher. On va revenir évidemment sur tout ce qui est programmation. Juste par rapport à l'accompagnement, c'est intéressant parce qu'on peut penser que depuis quelques années, peut-être Annecy a perdu un peu ça. Il y a eu à un moment donné des petits pamphlets. Enfin voilà, on nous donnait ça à la sortie des salles. Alors il y a très longtemps, il y avait le quotidien à un moment donné. Mais on n'a plus. Est-ce que parce qu'on parlait du manque de critique, on parlait du manque d'analyse, est-ce que Annecy peut revenir aussi par là? Alors je sais pas si c'est des présentations de séances ou des choses comme ça, mais On va très certainement dès cette année donc soigner les textes du catalogue, essayer de leur donner un peu plus de poids, un peu plus de. On a revu la maquette du catalogue en insistant là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a justement des projections qui peuvent être accompagnées de présentations, de discussions, d'échanges, favoriser les échanges entre le public et les réalisateurs. Donc, ce genre de choses-là, on veut le travailler aussi, là. Encore une fois, c'est un projet à moyen terme, c'est-à-dire qu'on va le développer d'année en année, et cette année, on fait face à une situation qui est particulière. Mais je crois que déjà, on va noter des changements de ce côté-là. Alors, cette situation particulière, c'est quoi? Donc, c'est les haras, c'est ça, on va voir quoi comme ça? Le festivalier qui va arriver ne va plus se retrouver s'il n'y a pas bon lieu, ou l'accueil va être où? Sarah, comment ça va se passer? Donc, la salle principale du festival, ce sera effectivement une salle qui est dans les haras, qui est un lieu méconnu des festivaliers, mais qui est quoi, à 200-250 mètres de Bonlieu. Donc, c'est pas très loin. Une fois qu'on l'aura repéré, les choses devraient bien se passer. L'accueil du festival, elle, sera installée dans des structures temporaires situées place François de Menton, donc grosso modo directement en face de Décavision. C'est la place qui fait face au centre commercial, aux galeries marchandes Courrier. Alors là encore, ce sera repérable. Ce qui fait que le centre névralgique du festival, eh bien, ça va être davantage là un axe Décavision. Accueil, place François de Menton, Arras, juste derrière. Alors, on s'éloigne un peu du lac, finalement, pour faire court. Il y aura toujours la salle Pierre Lamy, qu'on connaît bien, les salles un peu plus périphériques, Novel, la Turbine, le MIFA, ne bouge pas de iota, l'écran sur le papier, ça va toujours. Projection dans la cour du château. Petite exposition cette année au château, donc consacrée à des maîtres polonais, donc Kuchia et Borowczyk, donc dans la foulée de l'année polonaise, puisque c'est la Pologne qui est pays à l'honneur. Alors donc, on aura ça comme salle. Grosso modo, on perd 500 sièges par case horaire, c'est-à-dire les 300 sièges de la petite salle de Bonlieu et la grande salle de Bonlieu qui avait 1000 sièges, on la remplace par une nouvelle salle qui en a 800. Alors, perdant 500 salles par Place, oui. séance, 500 places, pardon, 500 places par séance, sur l'ensemble de la semaine, ça nous donne à peu près 18 000 places de moins. Grosso modo, il faut, je dirais, optimiser. Et donc, on a ajouté une séance de fin de soirée au Décavision, par exemple. D'accord, parce qu'avant il n'y avait que la 23 h dans la grande Il n'y avait que salle la de 23 h dans la Bonlieu. grande salle. Donc là, Décavision aura une séance qui sera à 22 h 30. En fait, on l'a mis un peu plus tôt, justement, pour que ce soit moins dur physiquement. Mais en faisant cette séance de fin de soirée à Décavision, là, on gagne des sièges et on gagne des salles puisque on ouvre automatiquement plusieurs salles à Il y aura Décavision. toutes les quatre salles de Oui, les Décavision quatre salles de Décavision. auront une projection à 22 h 30. C'est ça. Génial, d'accord. Et ce qui nous a amené cette profusion de projections en fin de soirée, et là, ce sera votre scoop, je vais vous en donner un. À y aller d'une programmation justement de type fin de soirée. Ce qu'on a appelé, je ne sais pas si on va appeler ça officiellement comme ça, mais le nom de code à l'intérieur, c'était long métrage. Alors, des longs métrages qui décoiffent un peu, D'accord. donc qui sont plus dans un esprit Fritz de Cat. Ou Pichat, OK. On est plus etc. dans les media screening, c'est-à-dire des choses comme aux États-Unis, des films cultes, enfin. Exactement. Donc, on ne OK. fera pas ces projections à minuit. On va le faire à 10 h 30 pour donner une petite chance aux festivaliers. Mais ce sera vraiment cet esprit-là. Donc, on a dégoté des nouveautés japonaises extrêmement intéressantes dans ce sens-là. Long métrage polonais assez formidable, un long métrage mexicain qui est tout à fait étonnant. Donc, des choses qui vont vraiment dans cette direction. Plutôt des nouveautés. Oui, des nouveautés. D'accord. Je voulais parler, ouais, on va parler de la sélection maintenant. Je voulais parler d'autres choses, mais on va parler. Donc, parlons des films qui vont faire l'actualité. Donc, on a les longs métrages. Il y a les courts métrages qui sont parus cette semaine. Ça y est, on sait les courts métrages, les séries. Et comment se fait la sélection? Tout le monde se pose la question, évidemment, toujours. Comment se fait la sélection en interne maintenant? En termes très pratiques, la sélection en interne se fait ainsi. Il y a trois sélectionneurs qui font partie des services créatifs de l'Institut, donc qui travaillent ici à l'année longue et qui, à partir de décembre, donc, amorcent le processus de sélection. Alors, eux voient tout ce qui est inscrit. Ils vont faire une présélection lorsqu'on parle des courts-métrages. Donc, une présélection d'à peu près 250 films qui vont m'être envoyés. Donc, moi, je ne vois pas tout. Je ne vois que cette présélection de 250 films, à laquelle s'ajoute le fait que je vais dans plusieurs festivals d'animation tout au long de l'année. Alors, je suis allé en Corée, j'étais à Vissembourg, j'étais à Paris au Forum des images en fin novembre, j'étais au Festival d'Ottawa, j'ai fait tant d'autres festivals. Donc, je fais peut-être entre 7 et 10 festivals d'animation dans l'année. Donc, il y a toute une partie de films qui sont soumis à Annecy, les films qui ne sont pas de la dernière nouveauté, donc que j'ai vu ailleurs. Alors, moi, je pars de cette présélection de 250 plus ce que j'ai vu. Je prends la liste de tout ce que mes collègues ont vu et je repêche. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans soit les maisons de production, je me dis, bon, tel producteur, vous avez partenu, je veux voir. Des noms que je connais, des cinéastes que je surveille. Parfois, géographiquement, des pays, dans la liste de 250 films, par exemple, qui m'ont présélectionné, il n'y a aucun film d'un pays donné. Je leur dis, attendez, là, ils ont soumis 25 films, vous n'avez pas retenu un. Sortez-moi les 3 ou 4 plus intéressants, au moins que je vois. Donc, je repêche peut-être 30, 40 titres en plus de ça. Ce qui fait que moi, je vois. Autour en bout de ligne, j'aurais vu peut-être 500 courts-métrages quand on additionne tout. Et c'est là-dessus qu'on fait la sélection. C'est-à-dire que mes trois collègues ici agissent comme aviseurs. Je leur dis ce que je vois. Je leur demande s'il y a des choses selon eux que j'ai omis de prendre, qui sont importantes. Quand on en a, bon, ben, je les invite à les défendre, ces films-là, à me convaincre. Je les revois, on en rediscute, et en bout de ligne, donc on accouche de la sélection finale. Alors, ce n'est pas une totale démocratie, c'est-à-dire qu'on n'est pas à quatre et à chacun qui vote, mais ce n'est pas non plus la dictature éclairée du délégué artistique. C'est un dialogue entre trois professionnels qui ont une grande habitude de visionnage et moi. Donc, j'ai le dernier mot, bien sûr, mais il n'y a pas eu vraiment de décision autoritaire, dans la mesure où moi, quand il y a un film que je veux placer en compétition et qu'ils sont perplexes, mon intention, ce n'est pas de l'imposer, c'est de les convaincre. Alors, on travaille plutôt sur cette base-là. Donc, on va revoir les films. Je ne vous ferai pas de secret autour d'un titre qui est en compétition cette année, justement, et que je sais que c'est un titre que vous aimez bien, puisque vous m'en avez parlé, qui est Palmipédarium. Donc, il y avait des gens sceptiques à propos de ce film-là autour de la table. je me souviens avoir fait un véritable plaidoyer donc pour ce film et presque sur le modèle du cours là en disant bon on a le film sur l'écran puis vous voyez ici il y a ça il y a ça donc ça c'est intéressant et en bout de ligne on est tous d'accord sur l'importance du film donc on y va comme ça et eux font la même chose. Il y a un des films en compétition, dans ce cas-là, je ne vous dirai pas lequel, ça me placerait dans une situation embêtante, mais il y a un des films en compétition où le premier jour, je leur ai dit, ça, il va falloir que vous décrochiez parce que moi, ça ne va pas. Et tout à coup, un des collègues qui est arrivé 2 ou 3 jours plus tard et qui m'a dit, tu sais où il faut le programmer, c'est à tel endroit, dans telle séance, à tel endroit, après tel film. Si tu le mets là, tu vas voir, ça va marcher. Puis je lui ai dit, tu l'as. Si c'est ça, oui. Mais parce que là, j'arrive à le justifier. Mais moi, je dois assumer toute la programmation. Je rencontre tous les cinéastes au petit déjeuner, j'ai des conversations avec eux. C'est clair pour moi que je veux les accueillir chaleureusement. Je veux les aider à expliquer, à défendre leur film, alors il faut que je sois convaincu, moi aussi. Si je ne suis pas convaincu, je ne serai pas convaincant. Alors donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je dois l'assumer, la programmation, auprès de la presse, auprès des gens comme vous, qui vont venir me dire après, ah, ta sélection n'était pas terrible cette année, ou elle était formidable, mais ben, il faudra que je sois en mesure de la défendre. De l'expliquer, de la justifier. Et pour ça, donc, je n'ai pas mis un film en sélection que je ne suis pas prêt à défendre. Les petits déjeuners donc, vont être faits de la même manière que l'année dernière, les rencontres avec Oui, dans un endroit moins passant, donc plus circonscrit, donc ce qui va permettre, je dirais, une meilleure mise en scène de la parole. Mais oui, ce seront des échanges, bon, comme l'an dernier. L'année dernière, en partant, alors je sais pas si des choses, il y a sûrement des choses qui ne sont pas encore décidées, hein, donc en partant, Serge Brombert disait qu'il resterait toujours un pied dans le festival, donc le mot qui passe par les professionnels, c'est oh, il va revenir pour la soirée d'ouverture et de clôture. Est-ce que il est prévu à revenir? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est trop tôt? Il est un peu tôt pour ça, mais oui, on discute avec Serge actuellement du rôle qu'il pourrait tenir. Serge est un excellent animateur et quelqu'un, je pense, qui a pris plaisir au cours de toutes ces années à animer les soirées de clôture en particulier. J'ai souvenir des soirées de clôture d'Annecy avant Serge. Bon, c'était pas toujours joyeux. Et donc, Serge a réussi à donner, je dirais, une dimension festive à ces soirées-là, qui est pour moi précieux d'arriver à conserver. Et je pense que c'est de ce côté-là, donc il faut voir la collaboration de Serge. On peut dire aussi que c'était trop festif. C'est moi là qui le dis. Hein. On peut dire aussi que peut-être qu'il y a eu un côté à l'équilibre à avoir entre L'équilibre, les deux. c'est toujours une notion importante. Comment la sélection, elle travaille sur le genre, elle travaille sur ah on a il y a Georges Fitzgibbon, Todor Hushov, Christian Dredd, on a des noms très connus comme ça. Il y en a des un petit peu moins connus. C'est important d'avoir un équilibre justement aussi. Oui, moi, je suis partisan d'une politique des auteurs quand même en animation. Ce qui ne veut pas dire accepter n'importe quoi parce que c'est signé par un grand nom, mais ce qui veut dire quand même que quelqu'un que l'on suit, quelqu'un qui a non seulement un nom, mais qui a une œuvre, quelqu'un que l'on suit donc a le droit d'explorer, a le droit de sortir de sa zone de confort sans qu'on le sanctionne, parce qu'il l'est fait. Et ça, donc, je suis soucieux de cela. Ce qui veut dire que je porte toujours une attention particulière aux cinéastes qui ont une œuvre. Donc, vous avez nommé Huchev, Schwitz-Gebel, je pourrais ajouter Yeri Barta, par exemple, pour qui c'est un retour dans les festivals d'animation quand même. Il y a un petit moment qu'on n'a pas vu un court-métrage de Barta. Alors, donc, j'ai une attention particulière et certains appelleront ça peut-être une indulgence particulière pour ces cinéastes qui ont des œuvres qui sont conséquentes. Je suis soucieux quand même d'un équilibre géographique, équilibre entre les genres. Je vous le dis en ondes parce que je l'ai dit en privé à plusieurs personnes et je vous l'ai dit même avant qu'on commence à enregistrer tout à l'heure. Par exemple, la qualité de la représentation française cette année est absolument exceptionnelle, en quantité et en qualité. Donc, il y avait beaucoup de soumissions de films français très forts. Je dirais au point où il a fallu être plus sévère avec les Français qu'avec d'autres, parce que on est quand même le grand festival international sur le territoire français de surcroît. À un moment donné, on ne peut pas arriver et dire au monde entier, venez ici, il y aura cette année en sélection 35% de films français en court-métrage. Donc, ce sont les Français qui numériquement sont les plus importants. Donc, si vous faites le décompte, il y a beaucoup de films français en sélection, mais on a été plus sévère avec les Français qu'avec les autres. Derrière les Français, il y avait les Américains, les Canadiens, donc il y avait des délégations particulièrement fortes. Bon, pourquoi? Probablement parce que l'économie du court-métrage est difficile dans quantité de pays actuellement. Et on pense notamment à un pays qui a été dominant pendant pratiquement 2 décennies, qui est la Grande-Bretagne. Le court-métrage en Grande-Bretagne, ce n'est pas joyeux, joyeux. On remarquera qu'il y a beaucoup de films anglais en sélection de films de commande. Donc, il y a toujours des gens très, très talentueux en Grande-Bretagne. Il y a toujours d'excellentes écoles. Mais les gens se retrouvent à travailler dans des secteurs différents parce que l'économie du cinéma n'est pas la même. Et ça affecte bien entendu la sélection. On est soucieux, je dirais, de représenter certaines choses qu'on remarque au moment du visionnage. Bon, cette année, on a remarqué très vite d'emblée qu'il y avait beaucoup de volume, plus que par le passé. Alors, comment expliquer ce regain? Ça, je pourrais pas. Et je ne sais pas si c'est un épiphénomène il y a cette année ou si ça va se maintenir l'an prochain, dans 2 ans. Il faudra être attentif. Mais donc, il y a des films en volume en compétition. Il y a des films en volume hors compétition. L'autre phénomène, c'est lié aussi à la démocratisation des moyens, c'est qu'il y a des films qui nous sortent de pays qui sont plutôt inhabituels. Bon, un court-métrage colombien en compétition cette année, un court-métrage moldave en compétition cette année, bon, c'est pas des grandes traditions de producteurs d'animation. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça doit être passionnant quand on est à la fois sélectionneur et à la fois passionné. On a travaillé sur l'esthétique, sur l'histoire, de se dire, oh, il y a tel pays qu'on n'a jamais vu. En effet, Barta qui revient, ah, bah, tiens, tel auteur revient, ça doit être un bonheur, je pense. Oui, ça c'est vraiment excitant. Je dirais la sélection court-métrage, c'est la chose la plus excitante dans le travail parce que justement, tout à coup, on voit le menu là, quand on voit la liste de ce qui est inscrit et on se dit, oh, c'est quoi ça? Mais à une moindre échelle, on a ça quand on fait la sélection long-métrage. C'est-à-dire, tout à coup, on voit un film qui nous sort d'un pays qu'on n'avait pas vu venir, là. Et tu te dis, oh, un instant, il y a un film de ce pays-là, c'est pas une blague, ça, parce que là, on a le formulaire au début, là, on cherche sur le web, on trouve rien, on attend le DVD, tout à coup, le DVD arrive par la poste, et on se dit, mais non, c'est pas une blague, il y a un film, pour vrai. Alors, oui, ça, c'est toujours formidable. Et quand, au bout de quelques années, parfois, d'un pays qui a soumis déjà des films et qui était toujours, c'était pas le niveau encore, et tout à coup, tu arrives, là, bang, tu as le niveau, là. Tu dis, OK, là, on a un solide long métrage sud-africain. Bon, ben, tout le monde est heureux, là, parce qu'on l'attend, celui-là. On saura quand la sélection des longs-métrages? Très bientôt, puisque on l'a terminé il y a quelques heures avant votre arrivée, ce qui fait qu'on est à aller chercher dans les prochains jours les confirmations avec ceux qui ont soumis, là, s'assurer que tout va bien, que parfois les films qui ont été acceptés alors qu'ils n'étaient pas tout à fait finis, ils seront bien finis. Et une fois que tout cela est fait, ben, on va annoncer. Qu'en est-il du côté patrimonial, rétrospective? Il y a eu des rétrospectives qui étaient beaucoup plus courtes. On se rappelle de rétrospectives il y a quelques années du Japon, avec en effet une dizaine de séances, des choses qui allaient très loin. Et ces dernières années, on a eu des rétrospectives quand même qui étaient beaucoup plus courtes. Est-ce que ça va de nouveau respirer, avoir plus de choses, ou En comment ça va fait, se passer? du côté de la rétrospective, des rétrospectives, ce qu'on met de l'avant, c'est ce cycle qui s'appelle Animation Off Limits, là, Animation Off Limits, donc qui est un cycle qui cherche à provoquer un peu les discussions et les débats autour de la définition de l'animation. Donc, qu'est-ce que l'animation? Donc, cycle pour lequel on a programmé des films, certains très anciens, d'autres plus récents, et certains très récents. C'est-à-dire qu'il y a au moins quatre nouveautés là, qu'on va retrouver dans ce cycle-là. Des films qui relèvent parfois du cinéma expérimental, relèvent parfois du travail en volume avec des marionnettes ou des personnages, mais qui ne sont pas de l'image par image. Je pense à un film que vous connaissez bien qui s'appelle The Last Boss, donc film slovaque, qui a été primé l'an dernier à Ljubljana, qui a été primé à Stuttgart, si mon souvenir est bon. Et que vous avez présenté vous-même donc dans votre événement parallèle à Annecy l'an dernier, et ce film-là, on va le présenter cette année dans un programme que j'ai intitulé De la vie des marionnettes, donc dans lequel la notion de marionnette est questionnée. Je pense par exemple à certains films de Johannes Nyholm, ce Suédois, qui a fait un film désopilant, qui avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelle Las Palmas, vous connaissez. C'est pas de l'animation, c'est quoi? C'est un bébé et des marionnettes à fil, en fait. Mais qui sont conçues, qui évoluent dans des maquettes, qui évoluent dans des décors, qui évoluent dans un univers qui est celui du film de poupée, là, qui est vraiment. Et Johannes Nyholm a réalisé déjà The Tale of Little Puppet Boy, qui avait été en compétition à Annecy, qui est un vrai film d'animation en volume, image par image et tout. Alors donc, on a quelqu'un qui est clairement un animateur, qui a une pensée d'animateur, mais qui réalise des films qui ne sont pas de la prise de vue image par image, en utilisant des outils et des moyens qui, eux, relèvent de l'animation. Et Chris Leavis et Maciek Zerboski, qui ont réalisé Madame Tutliputli, un film qui avait fait date à l'époque, travaillent dans cette perspective-là depuis quelques années déjà. Ils ont réalisé Iggulty Piggulty Pop il y a quelques années. Ils ont un nouveau film là qui s'appelle Cauchemar et qui sont des films réalisés tout à fait dans cet esprit. Donc j'ai souvent tendance à dire que si Fellini réalisait encore des films aujourd'hui, s'il était encore vivant et réalisait des films, il ferait de l'animation. Il y aurait forcément des bouts en animation. Forcément, oui. Je pense que Fellini, c'est quelqu'un qui, dans l'esprit, est pas si loin d'un Terry Gilliam ou d'un Tim Burton ou de ces espèces de magiciens de l'image-là. Donc, Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Annecy s'ouvre à finalement ce qu'est le grand changement en animation, le grand mouvement qui se passe dans le monde de l'animation et de la prise de vue réelle et d'un cinéma qui rejoint beaucoup plus les deux. Je pense qu'il faut, parce que sinon on est condamné à l'asphyxie, dans la mesure où l'animation, dans une définition très stricte là, de la technique, va aller en se raréfiant, alors que l'animation, dans toute l'acception du terme, si on ouvre vraiment, ça se déploie, je dirais, dans le territoire cinématographique, presque comme un virus, là. Il y en a partout. J'aime bien, moi, cette idée de concevoir l'animation non pas comme un cinéma fait image par image, donc le mouvement image par image qui se succède, mais davantage comme une relation à l'image qui implique qu'elle soit faite, elle, par couche. Et que ce soit de ces couches, justement, et de l'intervention sur ces diverses couches qu'émerge le concept. On sent une envie de réflexion et tout le temps une réflexion par rapport au festival, en tout cas dans la création. Est-ce que c'est le festival là est une suite logique au langage et lignes? Est-ce que justement il y a 20 ans le langage et lignes, est-ce que là il y a cette idée de reconstruire, on en a parlé encore off, avec certains chapitres qui pourraient être réécrits aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette envie-là dans ces rétrospectives-là? Pour moi, ça, écrire un chapitre du langage des lignes ou monter une rétrospective, ça participe de la même volonté, de la même idée, de la même énergie. Écrire un livre, souvent, c'est aller porter une réflexion chez les étudiants, chez les universitaires. Réaliser une rétrospective, c'est aller porter une réflexion chez les praticiens davantage, peut-être. Puisqu'ici, quand je pense aux milliers et quelques étudiants qui débarquent à chaque année, eh bien, ces étudiants-là, de les confronter à de tels raisonnements, je trouve ça assez sain, moi, personnellement. Et dans le prolongement peut-être du langage des lignes et en anticipation du travail aujourd'hui au festival, il y a quand même eu ce que j'avais fait en 2007, quand le cinéma d'animation rencontre le vivant ici, donc on avait vraiment accompagné d'un petit livre, un cycle de projection, qui est un cycle de projection qui s'est promené pas mal, là, quand même, qui a été présenté dans plusieurs pays après. Et ce livre a été traduit en croate, il y a des morceaux qui ont été traduits en anglais, en slovène, dans toutes sortes de langues. Donc, bref, je pense qu'il y a l'espace pour une telle réflexion aujourd'hui. Parce que toucher les étudiants, les jeunes réalisateurs qui viennent, c'est étonnant quand on entend Joanna Quinn et tant d'autres réalisateurs qui disent qu'ils avaient l'impression, alors ça a changé aujourd'hui avec Internet évidemment, mais qu'avant de venir à Annecy, qu'il y avait en gros les studios Disney et eux qui faisaient de l'animation, et qu'en arrivant à Annecy, ils découvraient finalement une palette énorme. Et beaucoup d'étudiants, même bah, moi qui suis professeur, on a beau leur montrer pendant un an des fois des films, ils nous disent, ah ben quand j'étais à Annecy, je me suis rendu compte de l'énormité de la chose, parce qu'ils se retrouvent finalement baignés avec des gens qui font la même chose qu'eux. Ils ont aussi d'un seul coup ces rencontres avec des gens ou des réalisateurs qui montent sur scène, qui ont fait un film et qui sont dans un univers comme ça proche d'eux. Donc il y a une force là en tout cas de montrer des films là. Tout à fait, moi je pense que c'est énergisant et la force d'impact de voir un programme de film en même temps que 3, 4, 500 personnes. Et ensuite d'en sortir et là de baigner juste dans l'atmosphère de méditation, de débat qui en découle, ça c'est énorme. Pour la Pologne, moi je reviens sur le côté patrimonial, on va avoir des rétrospectives où on va arriver au tout début du cinéma polonais d'animation, on va découvrir des pépites, on se dit, oh, ça je ne connaissais pas. Pour la Pologne, c'est un cycle qui, sur le plan du nombre de séances, est assez modeste, c'est-à-dire 5 séances en tout. Mais il y a une volonté, je dirais, de creuser vraiment le patrimoine polonais, d'aller jusqu'à des films réalisés avec l'aide du gouvernement en exil au moment de l'occupation allemande et des choses du genre. Donc, il y a un véritable travail patrimonial qui a été fait de ce côté-là, mais on a privilégié aussi la présence de films polonais sur l'ensemble des programmes. Donc, par exemple, quand le cinéma, le cycle Animation of Limits, il y a beaucoup de films polonais dedans. Donc, pourquoi il y a beaucoup de films polonais? Parce qu'il y a eu énormément d'expérimentations en Pologne par Kuchia, par Rybczyński, par Lenica, par Borowczyk, qui ont évolué à la frontière donc, de l'animation, donc plutôt que de les cantonner à la rétrospective polonaise, j'ai préféré donc confronter ces films-là à ce qui s'était fait ailleurs dans le monde. Donc avoir une attention particulière sur la production polonaise, mais l'inclure plus largement dans la programmation. Depuis quelques années, j'ai l'impression quand même qu'il y a au niveau des festivals un vrai renouveau du cinéma polonais. Comme si d'un seul coup, Lenica, tous ces gens-là, ça y est, c'était un peu digéré et on pouvait repartir sur des choses assez étonnantes et dans des Ouais. formes complètement différentes. C'est un peu ça qui a présidé au choix de la Pologne hein, comme pays à l'honneur cette année. C'est-à-dire que pour moi, il y avait à la fois une grande tradition, disons grossièrement, qui datait d'avant la chute du mur de Berlin, et une forme de renouveau depuis, mais qui était original, foncièrement original, et à la fois qui reposait sur des bases techniques. Je ne dirais pas incompatible, mais sur deux troncs techniques, en tout cas forts, le volume. Et on pense à des films, d'excellents films polonais en volume qu'on a vus récemment, Ictis, par Non, exemple. est-ce qu'on va qui, oui, c'est Oui. affaire. Mais on pense aussi au fait que le Pierre et le Loup de Susie Templeton a été animé en Pologne, donc. Les frères Coué sont Les partis. frères Coué ont fait Masque Voilà. en Pologne, donc tout ce renouveau-là, et aussi la 3D numérique, donc très dynamique en Pologne récemment. Encore là, il y a des films qui se sont fait remarquer, bon, je pense à La Cathédrale notamment. Ce que j'ai voulu faire, c'est faire des programmes qui tentaient de relier ce qui s'était fait avant et maintenant autour de certains grands thèmes. Donc, par exemple, la présence du grotesque qui m'apparaît quelque chose d'assez fort dans le cinéma polonais, dans le cinéma de prise de vue réelle polonais aussi. Hein, Skolimowski, Polanski, le grotesque est une dimension très importante. Et aussi le mysticisme qui est une autre dimension polonaise. Donc on trouve aussi bien chez Piotr Dumała, par exemple, ou chez les cinéastes plus anciens, que chez Izabela Pluszynska. Donc, quand on pense à Seven More Minutes, par exemple, qui est une espèce de vision de l'au-delà, presque Terrence Malickienne, finalement. Donc, j'ai voulu regrouper les programmes sous des thèmes comme ça pour faire le lien historique. On en parlait en off. Le Festival d'Annecy est bloqué à inviter un pays tous les ans et inviter où est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas moi, une rétrospective. Karel Zeman, je sais pas, c'est le premier nom qui me venait d'un réalisateur comme ça ou Oui, de. bloqué à inviter un pays, non, moi je dirais pas ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai établi assez nettement quand je suis. Quand j'ai eu la mission de la direction artistique, que pour moi, il fallait arriver à dégager la programmation des obligations récurrentes, trop contraignantes, justement pour permettre un peu d'excès, un peu de folie. Si on décidait d'y aller d'un très grand cycle consacré soit à un aspect esthétique en particulier ou soit à un pays en particulier, donc. Moi, je n'aurais pas d'objection à balayer le reste, là. À dire, par exemple, cette année, c'est un pays, mais ce sera 22 séances, Et il n'y aura aucun autre programme spécial que des séances consacrées à ce pays-là, ou l'inverse, donc dire cette année, il y a tel aspect esthétique, je ne sais pas moi, la musique, le stop motion, quelque chose, et on va là et on ne fera pas de pays pour ne pas se limiter, et voilà, donc tout ça c'est ouvert. Ça fait partie d'une des frustrations de Marcel Jean en tant que spectateur, et d'un seul coup de se dire maintenant je suis directeur artistique, de se dire ah, je veux me laisser ça. On est dans Eric Dolphy, Thelonious Monk, hein, qui sont cités dans le langage des lignes, dans un peu plus du free jazz, donc un peu plus free festival. Ouais, aller chercher de la liberté, pour moi c'est important. Aller chercher cette liberté-là, c'est majeur. Mais il ne faut pas oublier que Serge Bomberg est arrivé ici il y a 14-15 ans. Il a construit quelque chose et le festival a pris énormément d'expansion sous sa gouverne. Ça a grossi ici. Et à partir de là, quand on est en croissance continue, à un moment donné, on arrive à un point où il y a des excroissances même, c'est-à-dire des bouts qui s'ajoutent et qui s'intègrent mal, mais comme on a l'espace, ils sont là. Et le fait que cette année, on n'ait pas bon lieu, le fait qu'arrive en même temps un nouveau délégué artistique, eh bien, ce sont des conditions qui favorisent une mise à plat de ce qui était devenu le festival et un réalignement, je pense, une forme de réflexion pratique sur ce qu'on veut faire vraiment, sur ce qu'on peut faire dans l'avenir. Et c'est sur ces bases-là, moi, que je veux construire. Est-ce qu'on a quelques nouveautés à attendre ou c'est trop tôt pareil? Dans les nouveautés, il y a quelque chose qu'on a déjà annoncé, qui est tout à fait ludique. J'aime bien, moi, les cycles ludiques. Pour le 50e anniversaire du festival, j'avais monté un programme de l'histoire du cinéma d'animation en 50 films courts. Je ne sais pas si vous l'aviez vu à ce moment-là. Donc, pour cette année, j'ai voulu faire quelque chose autour du film humoristique. C'est-à-dire vraiment me dire, OK, j'ai un public qui est très, très participatif, très énergique, donc comment je peux canaliser cette énergie-là et comment je peux la mettre en contribution? Alors, on aura quatre programmes composés chacun de 10 films drôles. On invite les gens à voter. On a un programme le lundi, un le mardi, un mercredi, un jeudi. Et le vendredi, un peu comme aux Olympiques, là, on aura les finalistes. Donc, on aura les deux films qui ont terminé en tête de liste pour chacun des programmes, plus les deux meilleurs troisièmes. On refait un programme, on monte les films, les gens votent, et le samedi, donc on aura donc le film, le court-métrage le plus drôle de l'histoire du cinéma d'animation, tel que plébiscité par le public d'Annecy. Donc c'est pas, parce que j'avais pas compris, c'est pas un prix de l'humour par rapport à la sélection officielle, c'est un prix de l'humour comme il pourrait y avoir, comme il y a eu les Olympiades en effet avec Norstein et Oui. son embrouillard, c'est ça, il y a un côté, sauf que là c'est le public qui Préférez-vous vote. un Tex Avery à Alexeïev, par D'accord. exemple, ou à Constantin Brunzit et son bout du monde, ou à je ne sais pas qui d'autre? Ce qui fait que chaque année, ça peut être différent. Il peut y avoir l'humour cette année, et puis l'année prochaine ou dans 2 ans, il peut y avoir un autre thème. On peut reconduire ça sur un autre thème, effectivement. Alors donc là, cette année, on y va avec l'humour. Autre nouveauté, c'est que je tenais à ce que on offre en cadeau aux Annéciens et aux festivaliers donc des nouveautés sur le paquet. Alors il y aura cette année, non pas seulement donc des films plus anciens qui seront projetés sur le paquet, mais des nouveautés et je dirais de belles surprises de ce côté-là. Alors on pourrait continuer longtemps, j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres entretiens un petit peu plus tard, mais là on va devoir arrêter. Il y a deux choses qui m'attendent, deux dernières questions. Oui. Est-ce qu'on est inquiet quand on a fait plusieurs choses dans le monde de l'animation, quand on arrive derrière un directeur qui a été très particulier, Serge Brombert, qui a fait des choses très, très, très spécifiques, est-ce qu'on a un peu d'inquiétude par rapport, on sait qu'on est attendu? où on est un peu inquiète par rapport au professionnel, ou alors au contraire, on a une telle envie qu'on se dit, oh, les critiques arriveront, de toute façon, c'est obligé, et on fera avec. Oui, tout à fait. Je serais inquiet si je devais animer la soirée de clôture comme Serge le faisait. Là, une fois dégagé de ce mandat-là, non, je le fais sereinement, au meilleur de mes capacités, de ma connaissance, et en me disant, bon, les critiques, on va faire avec. Mais avec la confiance de faire quelque chose de bien. Et la dernière question, elle est impossible à répondre, mais je vais quand même la poser. Comment aujourd'hui Marcel Jean voit le futur de l'animation? Je vois, je vais faire une réponse courte parce qu'une réponse longue serait justement trop longue et forcément insatisfaisante. Mais le futur de l'animation, il est pour une bonne part dans l'hybridation, je crois. Et ça, c'est forcément, c'est inévitable. Et pour cette raison-là, il va falloir en tenir compte dans notre approche des films qui nous seront soumis. Merci beaucoup et donc à bientôt pour le festival. Merci Alexis.